Tu veux jouer à la mouche? Ok, on va jouer à la mouche. Ok. Chemé, chemé, chemou. Ou bagne, zou, zou, zou, zou. Check ça. Je débarque à la one again, à la west again. Je déploie à la fois mes joies et à la fois mes peines. Ah voilà, j'emmène. Je nettoie par là où est ma haine. Parle-moi mal à où est ma mène. Ça va faire mal là contre sa mère. Je fais du sale petit con à terre. Le bruit des balles hypnose les frères. Les temps sont durs, je vois peu de sourire. Tu peux courir pour qu'ils posent les flingues. J'en vois souffrir et par terre y'a des seringues. Y'a quoi perdre la tête, celle du voisin de son chien. De quoi devenir dingue. Et avec le temps, c'est pas prêt de s'arranger. Y'a plus rien à manger. Les bons plans se font rares, c'est dur de partager. Ma rue est en danger. Ouais. Ma rue est en danger parce que chez moi, qui te tue pas te donne envie de te venger. Les gens ont grave changé, enfin c'est moi ou eux. En fait, aucun des deux, c'est juste qu'on a ouvert les yeux. Les gens vivent et t'en vivent, les grands chisés s'enivrent. L'État et son emprise sur le qui vivent en temps de crise. Ils ont 15 ans, ouais, y'a des enfants aux assises. Ils ont peut-être besoin d'un peu de chance, moins d'injustice, alors je baise le bise. Chemé, chemé, chemou. Et pour les jaloux, je leur fais des bises, bisous. Je leur fais des bises, bisous. Yo. Et encore une instru de fou. Tellement j'ai pas quoi dire. Merci à Sonata, elle est trop propre. C'est pas comment je vais la salir. Je fais taf, comment faire ta salive. Fais gaffe, j'augmente, gère la pratique. Je fais face aux bandes sataniques. Fais place aux bandes à la panique. Ferme, je m'enferme comme une bête de la terre. Mais bon, avec mes peines, rien que j'alterne contre la tête qu'ils font. Je me désaltère, boucheron. Je fume des gros têtes, des gros termes, des grosses guerres, pauvre con. Dans ma tête, trop de thèmes, garçon. Trop de verre, grâce à la verre, j'enfonce. Grâce à la verre, j'enfonce. Grâce à la verre, j'enfonce. Yeah. La joie au manœuvre. Fommé. Bouchon. Buzz, buzz, le snes, ouais, ouais. En direct de tes oreilles, j'serons mou, j'serons mou. La relève du sud, c'est nous. Ouais. Oh. Chemé, chemé, chemou. Oh. Pâle ici, poisson. Ouais. En bas ici, on baisse le son. La mouche.